Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome IVe, lu par Christiane Johan. Renaissance et réforme. Les Nouveaux Mondes. 1492-1559. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 6. La littérature française pendant la première moitié du XVIe siècle. 1492-1550. Première partie, Les Poètes, par Louis Petit de Jullouville. La poésie, au XVIe siècle, avant Ronsard. Il y a une étroite liaison entre les faits de l'histoire générale et politique de la France durant la première moitié du XVIe siècle et les œuvres littéraires qui virent le jour à la même époque. L'abaissement de la féodalité, l'établissement de la monarchie absolue, les guerres d'Italie, la réforme, la Renaissance, c'est-à-dire le retour passionné au culte et à l'admiration de l'Antiquité, renouvelèrent presque entièrement l'esprit public et la littérature. La prépondérance royale, définitivement consolidée, prépara l'unité de la langue française. Elle donna au souverain et à sa cour une autorité reconnue dans les choses de l'esprit. Cette influence fut même plus sensible dans la première moitié du siècle, sous les règnes de François Ier et de Henri II, que durant la seconde moitié, au temps des guerres de religion. Le commerce de l'Italie répandit en France le goût des arts, d'un luxe plus poli, d'une civilisation plus élégante et plus raffinée. La langue et la littérature italienne exercèrent une influence durable sur la langue et sur la littérature nationale et semblèrent même, un moment, menacer l'esprit français d'une sorte d'asservissement. Les polémiques religieuses ouvrirent un champ nouveau à l'essor hardi de la langue française. Il n'y eut plus de matière, si haute qu'elle fût et si abstruse qu'elle n'osa traiter. Et voulant y suffire, elle acquit des qualités nouvelles de force et de précision qu'elle avait montrées rarement jusque-là. Enfin, si la Renaissance est le grand événement littéraire du XVIe siècle, il convient d'ajouter qu'elle n'est pas renfermée tout entière dans cette époque, et que, commencée en Italie dès Pétrarque, elle avait eu, en France, une très brillante aurore vers la fin du XIVe siècle et au commencement du XVe. Les désastres de la guerre civile et de la grande invasion anglaise avaient interrompu ce premier essor. Il n'attendit pas pour reprendre avec une force nouvelle Louis XII et François Ier. Mais, en revanche, la Renaissance ne devait donner tous ses fruits qu'après ses rois, avec la Pléiade et sous l'influence de Ronsard. Le retour aux idées morales et politiques de l'Antiquité, commencé dès le XVe siècle, semble déjà consommé dans l'œuvre de Rabelais. Au contraire, le retour à l'intelligence et à l'amour éclairé du beau antique, de la forme gréco-latine dans ce qu'elle eut d'exquis, de parfait et de captivant, n'est pas complet avant Ronsard. Si Marot fut quelquefois un artiste très achevé, c'est bien plutôt dans le sens qu'on est convenu d'appeler gaulois qu'à la façon antique. Le premier en France qui ait contemplé Homère face à face, c'est Ronsard. On était bien loin d'Homère dans le monde des poètes, en France, vers l'an 1500. Et même si l'on a quelquefois prétendu sans preuve que l'esprit français n'avait nul besoin alors d'être rajeuni par la greffe antique pour produire de nouveaux chefs-d'œuvre et des chefs-d'œuvre plus originaux que ceux de la Renaissance, c'est faute d'avoir assez pratiqué les poètes qu'on admirait chez nous à l'avènement de Louis XII et même pendant tout son règne. L'oubli complet où ils furent tombés les a sauvés d'un pire destin. Jamais poètes ne furent plus dépourvus d'idées et de styles. Et la célébrité dont ils jouirent au commencement d'un siècle, où devaient fleurir toutefois tant de grands et vrais poètes, témoigne seulement de l'excès de mauvais goût, pour ne pas dire l'ineptie en matière poétique, où étaient tombés leurs contemporains. Le théâtre. Le genre dramatique, si florissant à la fin du XVe siècle et au commencement du XVIe, pourrait nous faire illusion par l'abondance des œuvres et l'éclat des représentations, qui attiraient une foule immense et jouissaient d'une popularité merveilleuse. Mais, à part l'excellente farce de Patelin, vers 1470, et quelques pages des mystères où la grandeur des sujets a soutenu un moment la faiblesse des auteurs. Le théâtre, sous les règnes de Charles VIII, de Louis XII et de François Ier, n'a presque rien produit qui offre une valeur vraiment littéraire. Il intéresse l'histoire des mœurs plus que celle de la poésie. Au reste, jusqu'à l'avènement de la Pléiade, jusqu'aux tentatives savantes de Jodelle, qui essaya de restituer dans sa Cléopâtre, 1552, la tragédie antique, le XVIe siècle n'a fait que suivre exactement les errements du XVe et n'a rien innové au théâtre. On a continué d'y jouer des mystères, des moralités, des farces et des sotties, comme en plein règne de Louis XI. La sottie n'a même jamais été aussi libre et florissante qu'au temps de Louis XII, qui lui fit l'honneur de l'associer à sa politique et se servit plusieurs fois du théâtre comique pour affaiblir et bafouer ses adversaires. La fameuse sottie de Gringoire, le jeu du prince des sots, joué au hall de Paris le 24 février 1512 pendant le carnaval, était dirigée tout entière contre notre plus redoutable ennemi en Italie, le pape Jules II. La farce, dont la gaieté, la prestesse et la brièveté s'accommodent à tous les régimes, a prospéré jusqu'au XVIIe siècle et tient encore la place qu'on sait dans l'œuvre de Molière, qui, en dépit de Boileau, sont à Terence, Alia, Tabarin. Mais le mystère au XVIe siècle, malgré l'éclat de la mise en scène et l'incroyable empressement du public, touchait à sa décadence et à la mort prochaine. Les attaques des protestants, scandalisés de voir la Bible sur le théâtre, mêlées aux inventions les plus profanes, parfois les plus scandaleuses, les scrupules des catholiques sur le danger de laisser le peuple en commerce si familier avec les choses saintes, le dégoût des lettrés, épris de l'art antique et dédaigneux de toutes les traditions littéraires du Moyen-Âge, tout conspira pour amener la ruine des mystères. Le 17 novembre 1548, le Parlement de Paris interdit aux confrères de la Passion la représentation des pièces sacrées, leur permettant seulement de jouer toutes pièces licites et profanes. L'arrêt ne concernait qu'une seule ville et une seule compagnie d'acteurs, mais le contre-coup de cette révolution se fit rapidement sentir jusqu'aux extrémités de la France. Dès cette époque, Paris donnait le ton, imposait la mode. Ce qui mourait à Paris languissait bientôt dans toutes les provinces. Jean le Maire. En dehors du théâtre, qui pouvait au moins se vanter de sa popularité, les poètes du commencement du siècle méritent l'oubli où ils sont tombés. Peut-on même appeler poètes d'insipides versificateurs qui plaçaient le mérite des vers dans la difficulté vaincue? Dès lors, il leur parut suffisant de la compliquer à plaisir pour être salués poètes. Et les jeux bizarres et fastidieux d'une versification tourmentée parurent le triomphe de l'art. Ceux de nos modernes qui ont cru inventer un art nouveau en créant des contorsions étranges de rimes et de rythmes n'ont fait que rajeunir les tours de force démodées des versificateurs contemporains de Charles VIII et de Louis XII. Jean Méchinot, mort en 1491, auteur des Lunettes des Princes, Jean Molinet, mort en 1507, auteur de la Vigile des Morts, Guillaume Cretin, mort en 1525, auteur d'une Histoire de France en vers. Il y a des poètes qu'on dédaigne lorsqu'ils vieillissent, à d'autres la vieillesse réussit. Guillaume Cretin eut ce bonheur. Sa versification ridicule, ses équivoques, tout son galimatias trop richement rimé, furent encore admirés de Jean le Maire, et même de Marot. Mais la gloire de Cretin ne lui survécut pas longtemps. Il avait écrit « L'histoire de France en vers français », dit Étienne Pasquier, mais ce fut un avorton tout ainsi que le demeurant de ses œuvres. Et c'est pourquoi Rabelais, qui avait plus de jugement et doctrine que tous ceux qui écrivirent en notre langue de son temps, se moquant de lui, le voulut représenter sous le nom de Raminagrobis, vieux poète français. Jean le Maire de Belge ne doit pas être confondu avec ses versificateurs ineptes. Celui-là eut au moins le sentiment du style. le premier qui a bonnes enseignes donna vogue à notre poésie, dit Pasquier, fut maître Jean Lemaire de Belge, auquel nous sommes infiniment redevables pour avoir grandement enrichi notre langue d'une infinité de beaux traits, tant en prose qu'en poésie, dont les mieux écrivains de notre temps se sont su quelquefois fort bien aidés. Il est certain que tous les poètes du XVIe siècle ont cru devoir quelque chose à Jean Lemaire, et ont parlé de lui avec estime. Et même ceux de la Pléiade, si disposés à mépriser tout ce qui s'était fait avant eux. Jean Lemaire de Belge, dit du Bellay, me semble avoir premier illustré et les Gaules et la langue française, lui donnant beaucoup de mots et manières de parler poétiques qui ont bien servi même aux plus excellents de notre temps. Les illustrations de Gaules et singularités de Troyes sont un long poème en prose, divisé en 160 chapitres et composé pour consacrer à jamais une vieille légende, assez absurde, mais chère au Moyen-Âge, à savoir l'origine troyenne des rois francs, descendants de Francus, fils d'Hector et petit-fils de Priam. Cette tradition imitée de l'orgueil romain, qui n'avait pas voulu rattacher sa ville à une moindre origine, se trouve mentionnée dans les chroniques dès le temps des Mérovingiens. Benoît de Sainte-Maure, au XIIe siècle, la popularisa par son roman de Troyes, dont le succès fut immense. Les chroniques de Saint-Denis la rendirent pour ainsi dire officielle en commençant ainsi l'histoire de France. Certaine chose est que les rois de France descendent de la noble lignée de Troyes. Mais quel intérêt plus vif la Renaissance ajoutait à cette tradition alors que les esprits et les cœurs se réveillaient avec une ferveur nouvelle au culte et à l'amour de l'Antiquité. L'ouvrage de Jean Lemaire est né de cette coïncidence. C'est la mise en œuvre d'une tradition du Moyen-Âge exaltée par la Renaissance. Il y a de tout dans cette composition singulière, de l'épopée, du roman, de l'histoire. Un tour tantôt poétique et gracieux, tantôt emphatique et pesant. Ailleurs, une sécheresse d'analyste. C'est un chaos. L'auteur n'a pas plus de critique que Benoît de Sainte-Maure. Et chez lui, les héros, grecs ou troyens, parlent la langue, portent les habits et les armures, expriment les sentiments et mènent la vie des seigneurs du temps des guerres italiennes. Au milieu de ces anachronismes choquants, quelques pages brillent d'une fraîcheur et d'une grâce singulières. Ce sont celles où Jean Lemaire s'est complu à décrire les paysages, où il encadre avec bonheur des idylles pleines de charme. Un mio dans Daphnis et Chloé ne surpassera pas l'agrément un peu mignard de ces agréables tableaux. La réputation de Jean Lemaire serait plus grande aujourd'hui s'il n'eût été de son vivant même éclipsé par un rival plus jeune et plus brillant, Clément Marot. Marot. Clément Marot naquit à Cahors en 1497. Son père, Jean Marot, normand d'origine et poète lui-même, assez estimé dans son temps, devint secrétaire d'Anne de Bretagne et suivit Louis XII en Italie. Il fut le premier maître de son fils et le seul dont celui-ci ait gardé bon souvenir, car si l'on en croit Marot, c'était de grands bêtes que les régents du temps jadis. En 1518, Clément devint valet de chambre de Marguerite d'Angoulême, sœur du roi, duchesse d'Alençon. Il s'essayait déjà à rimer, et laissant de côté les modèles à la mode, il renonçait à l'allégorie, au pédantisme, à la versification puérile et compliquée, à tous les défauts surannés des poètes du temps, pour essayer de plaire par l'esprit, le naturel et la simplicité. Le roi et sa sœur goûtèrent beaucoup cette nouvelle manière. Leur faveur déclarée soutint longtemps Marot contre les nombreux ennemis que lui attiraient ses imprudences de langage et probablement son caractère agressif. On ne s'explique pas autrement pourquoi Marot fut menacé sans cesse, alors que Rabelais, bien plus hardi dans ses attaques, vivait parfaitement tranquille. Deux fois mis en prison et deux fois relâché par la volonté du roi, Marot dut enfin s'exiler en 1535 et passer en Italie une année entière. On l'accusait d'adhérer au luthéranisme. Il s'en défend, mais en attaquant si violemment ses adversaires que l'on ne sait que croire. Catholiques et protestants l'ont réclamé et rejeté tour à tour. Il n'est peut-être entièrement l'un ni l'autre. À la fin, la protection du roi ne suffit plus à le couvrir. Marot, inquiet, s'enfuit à Genève. Il gagna Turin, où il mourut bientôt, jeune encore, en 1544. L'œuvre de Marot est étendue et variée. Outre 5 préfaces en prose et des éditions du Roman de la Rose et de Villon, il a laissé 2 poèmes, Le Temple de Cupido et L'Enfer. Un dialogue dramatique, Les deux amoureux, qui est peut-être, de toutes ses pièces, celle où il a exprimé le plus vivement la passion. Une églogue adressée au roi, 60 épîtres, 27 élégies, 15 ballades, 22 chants divers, 80 rondeaux, 42 chansons, 54 étrennes, 17 épitaphes, 35 cimetières, 5 complaintes, 294 épigrammes, des traductions en vers de Virgile, première bucolique, d'Ovide, 2 livres des Métamorphoses, d'Érasme, 2 colloques, de Pétrarque, quelques sonnets, des psaumes, il en a traduit 49. Enfin, il a paraphrasé 11 oraisons pieuses. Une œuvre aussi vaste est naturellement très inégale. Mais combien peu de poètes ont survécu tout entier ? Le Temple de Cupido est un poème d'amour tout allégorique et très fade, œuvre de jeunesse, où Marot n'est encore que le continuateur de la poésie qui l'a précédé. L'églogue au roi, dans un cadre convenu, autrefois goûté, aujourd'hui fastidieux, raconte les premières années du poète avec beaucoup d'agrément et de simplicité. Sur le printemps de ma jeunesse folle, je ressemblais la rondelle qui vole, puis ça, puis là, l'âge me conduisait sans peur ni soin, où le cœur me disait. L'enfer, tableau allégorique de sa détention au Châtelet, est une satire âpre et virulente. Le portrait de Rhadamanthus, type de juge sans pitié, est une page admirable de relief et de vigueur. Les pièces de circonstances, ballades, chants divers, qu'a suggéré, ou plutôt commandé, une naissance royale, ou le passage, la maladie, la guérison ou la mort d'un grand, valent ce que vaut toujours ce genre ingrat. Sauf quelques détails heureux, elles sont insignifiantes. Marot est poète de cour, il faut bien qu'il fasse son métier. Il s'en tire mieux que beaucoup d'autres, mais, après tout, ne dépasse guère Saint-Gelais dans cette ennuyeuse fonction. Les étrennes sont de petits couplets galants ou flatteurs adressés à des dames, à des princes, à des amis, soit pour accompagner un présent, soit pour porter les souhaits ou les compliments du poète. Il y en a beaucoup de joliment tournés, mais dans ce genre menu, Voltaire a tout effacé. Les épitaphes sont pour la plupart épigrammatiques ou même injurieuses. Et ces invectives sur une tombe récente ne nous agréent plus aujourd'hui. Au contraire, les cimetières sont des épitaphes sérieuses, où il y a des traits touchants et pathétiques. Mais à la vérité, ils y sont clairsemés. Les complaintes sont des élégies funèbres, des déplorations, comme on appelait aussi ce genre fort à la mode, où Marot s'est voulu guinder jusqu'à l'accent oratoire. Ce n'est pas là son ton naturel. Les élégies sont des épîtres d'amour adressées à des maîtresses anonymes, souvent peut-être imaginaires. On y trouve beaucoup de vers gracieux, plus d'esprit qu'on en souhaiterait, et moins de passion vraie. L'affectation n'y est point rare. Les épigrammes sont pour la plupart tournées avec infiniment de grâce, aiguisées à merveille, presque toujours très spirituelles, quelquefois remplies de vigueur et même d'éloquence. On comprend le vif succès qu'elles obtinrent et la célébrité qu'elles ont gardée. Nul poète n'a su enfermer plus de sentiments variés dans un cadre aussi court. Malheureusement, en imitant Martial, Marot n'est pas plus retenu que son modèle. Et beaucoup de ses petits poèmes choquent les lecteurs les moins scrupuleux par des licences qui ne sont pas seulement de langage et dont quelques-unes sont tout à fait révoltantes. Il faut rappeler à l'excuse de Marot, que ses contemporains, même les plus honnêtes, ignoraient certaines délicatesses qui ne sont nées dans la littérature française qu'au siècle suivant. Peut-être sommes-nous en train de les perdre, et ce serait grand dommage. Les traductions en vers, imitées de l'Antiquité, sont faibles et incolores. Le sentiment du beau antique reste indécis chez Marot, et chez tous jusqu'à la Pléiade. D'ailleurs, une bonne traduction exige plus de science qu'il n'en avait, plus d'efforts qu'il n'en voulait et pouvait fournir. La traduction des psaumes eut un succès de circonstance que l'esprit de parti prolongea et faillit consacrer. Mais quoi qu'on en ait pu dire, elle est ennuyeuse et prosaïque. Les épîtres sont incontestablement, même avant les épigrammes, le chef-d'œuvre de Marot. Là, toutes ses qualités sont à l'aise. Esprit, vivacité, naturel, urbanité, finesse. Et là, ses défauts même ne lui nuisent pas. Son âme un peu sèche, son âme de poète, sinon son âme d'homme, et son inspiration un peu courte, un peu terre-à-terre, ne l'empêchent pas d'être excellent dans un genre où la grandeur d'esprit n'a que faire. Mais, entre les épîtres, celles qu'il adresse au roi sont la perfection même. Soit qu'il les écrive à propos des circonstances les plus futiles, au roi pour avoir été dérobé, soit qu'elle s'inspire d'un sentiment sincère et profond dans les circonstances pour lui les plus graves, au roi du temps de son exil à Ferrare. Urbanité, disait Jean Lemaire, est une élégance, une courtoisie ou une gaillardise de deviser plaisamment en réjouissant les assistants sans les fâcher. Ainsi, avant Marot, on savait définir la chose. Mais qui avait su jusqu'à lui la mettre en pratique? Il est le vrai créateur de cette chose exquise, l'urbanité, qu'on définirait mieux encore par ce qu'elle n'est pas et par ce qu'elle exclut que par les qualités qu'elle suppose. Elle exclut le pédantisme et l'affectation, la morgue didactique, la bizarrerie de forme ou d'idées, tous les défauts des poètes d'avant Marot. Elle ne veut rien de cru, ni d'alambiqué, rien de brutal, ni de quintessentié, rien de lourd, ni même rien de prolongé. Elle admet une gaieté douce et fine, mais sans grands éclats de rire qui fatiguent, une émotion discrète, mais sans larmes, qui importune. Elle écarte avec soin tout ce qui pourrait déplaire, attrister, choquer, ou même trop vivement surprendre. Art discret, art exquis, fait de beaucoup d'esprit et d'encore plus de tact. Marot s'y éleva jusqu'à la perfection, sans autre maître que son heureux naturel et la cour, qu'il appelait avec raison sa maîtresse d'école, car c'est elle qui le forma, c'est pour lui plaire qu'il écrivit. C'est lui qui la polit à son tour, mais, avouons-le, cet art est plus exquis que fécond. D'où vient que Marot, malgré sa gloire incontestée, n'a pas laissé d'école après lui, et que l'honneur d'avoir fondé la poésie classique en France appartienne à Ronsard, tant bafoué après sa mort, non à Marot, dont la célébrité posthume surpasse encore celle qu'il obtint de son vivant. A-t-il péché par la langue? Au contraire, elle est chez lui presque toujours claire et correcte, vraiment française. Ménage l'appelait le plus exact de tous nos anciens poètes. La Fontaine avouait l'avoir beaucoup pratiqué avec profit. Fénelon regrettait les grâces encore toutes fraîches de son style. La Bruyère, en le lisant, s'étonnait de le trouver si moderne. Il n'y a guère entre lui et nous que la différence de quelques mots. Par son tour et par son style, Marot semble avoir écrit depuis Ronsard. Sa versification offre les mêmes qualités que sa langue. Elle est souple, habile et simple. Il n'a pas l'admirable harmonie dont la Pléiade sut trouver le secret, mais le genre de sa poésie se passait de ce mérite. Il manie merveilleusement le vers de 10 syllabes. Il a laissé son nom au style marotique, où d'autres après lui ont imité, avec moins de bonheur, sa naïveté à la fois très savante et très naturelle. Qu'a-t-il donc manqué à Marot pour être appelé le père de la poésie moderne? Il lui a manqué le sentiment du grand en toute chose. Marot n'a ni compris ni exprimé la sainteté, l'héroïsme, la passion, la beauté. Mais il a conservé, il a fait vivre avec un éclat nouveau la tradition très ancienne d'un certain esprit, qu'on dit français, qu'on dit gaulois, qui en tout cas est bien national, fait d'ironie, de grâce et de mesure, de finesse sans profondeur, de brillant mais sans éclair. Il est le dernier, de beaucoup le meilleur, d'une veine particulière dans l'esprit du Moyen-Âge, bien plus qu'un précurseur des temps nouveaux. Saint-Gelais. Toutefois, si l'on veut mesurer sans injustice la vraie valeur de Marot, il faut le comparer à Saint-Gelais. À Saint-Gelais, créature gentille, comme l'appelait Marot lui-même. Et sans doute pour gentil, Saint-Gelais le fut. Il faut bien en croire tout son siècle. Et Marot. Mais il ne fut jamais autre chose. Marot, certes, vaut bien davantage. Mélin de Saint-Gelais, né à Angoulême en 1491, fut élevé à merveille. Il sut tout, au moins un peu de tout, à la française, comme dit Montaigne. Il était autant juriste et mathématicien que poète. Mais son compatriote, François Ier, devenu roi, en l'appelant à sa cour, lui demanda des vers. Il fallut bien que Saint-Gelais fût poète. Il le fut. Il fit des vers pour tous les princes et pour toutes les fêtes. Il en fit sous son nom, il en fournit à d'autres, et même au roi, croit-on. C'était petite fleur, dit Pasquier, et non fruit d'aucune durée. C'était des mignardises qui couraient de fois à autre par les mains des courtisans et dames de cour. Selon Pasquier, Saint-Gelais avait soin de ne rien imprimer. Grande prudence, parce qu'après sa mort on fit imprimer un recueil de ses œuvres, qui mourut presque aussitôt qu'il vit le jour. Pasquier se trompe, Saint-Gelais n'avait pas tant de modestie. Dès 1547, il avait publié une partie de ses vers, avec succès. Marot, mort en 1544, lui avait laissé la place libre, et Saint-Gelais régnait sans rival. Mais bientôt l'avènement de Ronsard le détrôna brusquement. Il essaya de lutter et sourdement dénigra son rival qui, dans ses odes, se plaignit au roi de la tenaille de Melun. Cette tenaille ne serrait plus bien fort. Saint-Gelais, vieux et fatigué, offrit la paix pour mourir tranquille. Ronsard l'épargna. Dubellay, plus tenace, écrivit le « Poète courtisan ». Qui n'est qu'une satire violente, mais excellente, de Saint-Gelais et de la poésie de mode et de circonstance. Je ne veux que longtemps, à l'étude, il pâlisse, je ne veux que, rêveur, sur le livre, il vieillisse, feuilletant studieux tous les soirs et matins les exemplaires grecs et les auteurs latins, car un petit sonnet qui n'a rien que le son, un disin à propos ou bien une chanson, un rondeau bien troussé, avec une ballade. Du temps qu'elle courait, vaut mieux qu'une Iliade. Je veux qu'au grand seigneur tu donnes des devises, je veux que tes chansons en musique soient mises, et afin que les grands parlent souvent de toi, je veux que l'on les chante en la chambre du roi. Ces vers malicieux ont plus de portée qu'ils ne semblent, et expriment très bien les défaillances que les poètes de la seconde moitié du XVIe siècle ont cru voir dans l'œuvre de leurs prédécesseurs, sans même en excepter Marot. La même pensée avait déjà inspiré au même auteur la célèbre défense et illustration de la langue française qui, publiée en 1549, coupe en deux, l'on peut dire, toute l'histoire littéraire du siècle. Dubellay fait dire à quelqu'un « Marot me plaît pour ce qu'il est facile » et ne s'éloigne point de la commune manière de parler. Mais lui-même ajoute en son nom qu'on pourrait trouver en autre langue, si quelque savant homme y voulait mettre la main, une forme de poésie beaucoup plus exquise. Et que veut dire ici ce mot, sinon plus recherché, plus artistique? Ceux qui mettent le naturel avant tout n'accorderont pas à Dubellay que Marot laissa désirer Ronsard. Ceux qui croient que la poésie est œuvre d'art et veut une grande hardiesse de pensée et une grande hauteur de sentiment admireront chez Ronsard cette puissance d'essor où l'élégant Marot n'aurait jamais pu, ni voulu, se hasarder.